Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, troisième épisode de notre série sur l'histoire de l'extrême droite en France, la première victoire électorale de Jean-Marie Le Pen en 1956. À la fin des années 40, l'extrême droite française est en lambeaux, laminée par le déshonneur de la collaboration. Pourtant, elle va réussir à relever la tête et sortir de la clandestinité. Dans le contexte de la guerre froide, elle s'oppose en rempart contre la subversion communiste, mais elle n'est pas la seule. En revanche, c'est la plus impliquée dans la défense de l'Empire national français qu'elle estime liquidée par les responsables politiques de la 4ème République. Lors des législatives anticipées de 1956, le succès inattendu du mouvement Poujade fait entrer l'extrême droite à l'Assemblée nationale. Cette sensibilité complexe, mouvante et protéiforme, oscille entre populisme et fascisme, porte haut la voix de l'antiparlementarisme et flirte avec le racisme et l'antisémitisme. Parmi les députés élus sur les listes de Pierre Poujade, un jeune ambitieux, un certain Jean-Marie Le Pen. Pas un poujadiste de la première heure, non. Plutôt un opportuniste, assez doué d'ailleurs, pour naviguer entre les méandres de la vie politique. Passion de l'ordre et de l'autorité, dénonciation de l'insécurité, de ses talents d'orateur et de tacticien politique, le groupuscule Ordre Nouveau saura souvenir au moment de confier les rênes du Front National à sa création en 1972. Notre invité aujourd'hui, Jenny Raflick, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Nantes et autrice du livre intitulé « La République moderne. 2018 ». Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire, Héloïse Lambert. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Stéphane Goum. Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter. Il est 20h. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. 21 avril 2002, la date sonne encore comme une gifle pour les partis dits traditionnels et surtout le PS. Ce soir-là, quand tombent les résultats du premier tour de la présidentielle, les Français se frottent les yeux. Car à côté du visage de Jacques Chirac, c'est celui de Jean-Marie Le Pen qui apparaît. Un homme qui fait partie du paysage politique français depuis des décennies et qui n'a cessé de gagner du terrain. Mais personne ou presque n'avait imaginé une qualification pour le second tour. Stupeur et tremblement dans la République. Dans les jours qui suivent, une marée humaine descend dans la rue pour crier son indignation. Parmi ces voix, celle de Pierre Poujade, porte-drapeau dans les années 50 des petits commerçants et des artisans en lutte contre l'État et le fisc. Lui a déjà connu un succès électoral de Jean-Marie Le Pen. C'était le premier. De celui-là, la jeunesse révoltée du 21e siècle qui bat le pavé ne peut pas se souvenir. En 2002, Pierre Poujade est un retraité de 82 ans. Quand il découvre les résultats du premier tour des élections, il s'étouffe. Avant de se souvenir que c'est lui-même qui a mis le pied à l'étrier à Jean-Marie Le Pen en politique en 1956. Plusieurs jours après, il ne décolère toujours pas au micro de France Inter. Il est arrivé d'Indochine avec un magnifique costume de parachutiste. Et donc, c'était le héros qui rentrait dans la bagarre civile. Toute son auréole d'Indochine, on a su que c'était du bluff, il est arrivé quand tout était terminé. Alors quand aujourd'hui, je l'entends à la télévision, il y a de quoi hurler, s'adresser comme nous le faisions en 1956, il a retenu la leçon, aux petits, aux 100 grades, il est là dans son château de Saint-Cloud, au milieu de ces milliards gagnés, on sait comment, nous appelons à voter pour Chirac, bien entendu. Ah, il n'y a pas de discussion possible. Vous ne regrettez pas aujourd'hui d'avoir été un peu le premier, lui, à lancer sa carrière politique? Je l'ai dit et je le répète, j'aurais mieux fait de me casser une jambe plutôt que d'en faire un député. 1954, presque 50 ans avant le duel Chirac-Le Pen. Jean-Marie Le Pen a 26 ans et il est inscrit à la faculté de droit, à la Sorbonne. 7 ans auparavant, il est monté à Paris de sa Bretagne natale. Élève turbulent, il a passé son adolescence à migrer de collège en collège, toujours entre deux bagarres et deux renvois pour indiscipline. À l'université, il ne fait pas non plus d'étincelles. Grande gueule, fêtard, bagarreur, il s'illustre davantage dans les bars que dans les amphis. Sévirée nocturne et arrosée lui valent nombre d'interpellations et nuits au poste, pour outrage à agent ou coups et blessures. Outre un certain talent pour la castagne, le Breton fait preuve d'indéniables qualités d'orateur et de tacticien politique. En 49, il se fait élire président de la Corpo, l'association corporative des étudiants en droit. Affilié à l'UNEF, cette organisation est structurée par la lutte anticommuniste. Jean-Marie Le Pen va fortement et définitivement l'ancrer à droite. Lorsqu'il fera allusion, bien plus tard, à ses jeunes années, il n'hésitera pas à dire de lui, à la troisième personne, « L'étudiant Le Pen, c'était une figure du Quartier Latin. C'était l'étudiant anticommuniste, c'était l'étudiant de droite. » La Corpo adore en découdre avec le Parti communiste. D'ailleurs, ses membres en viennent souvent aux mains avec les distributeurs de tracts et colleurs d'affiches de l'autre bord. Le jeune Jean-Marie n'a pas encore vraiment versé dans une extrême droite dure et pure, mais son anticommunisme est viscéral, et il rêve de casser les vrais cocos. Or, ceux-là sont en Indochine. Oui, en 54, le Viet Minh combat la domination française avec l'appui de l'URSS et de la Chine maoïste. Et puis, c'est un aventurier frustré, Le Pen, un genou qui rêve d'empire colonial. Comme il l'écrira dans ses mémoires, on se lasse des quartiers latins. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Et il se souvient en 1974, alors qu'il est pour la première fois candidat à l'élection présidentielle. J'ai eu le sentiment que mon pays, l'Europe, la France étaient en guerre avec le communisme, c'était la période le moment de la guerre froide. On se battait, des Français se battaient, très loin, à 18 000 kilomètres de chez nous, dans des conditions épouvantables. Ils menaient une guerre qui était ignorée du pays, ignorée des Français, avec un gouvernement qui les y avait engagés, mais qui ne les soutenait pas, et poignardé dans le dos par l'action du Parti communiste, dont je rappelle qu'il allait jusqu'à jeter les blessés qui revenaient d'Indochine hors des trains qui les transportaient. Et je me suis senti, là, appelé vers ceux dont je pensais qu'ils portaient avec eux l'honneur du pays, et par ceux-ci, ils souffraient le plus. Eh bien, j'ai mis mes actes en conformité avec ma pensée. J'ai quitté le doctorat de sciences économiques que je faisais, et je me suis engagé au 1er bataillon étranger de parachutistes, où j'ai servi comme sous-lieutenant, je suis allé en Indochine. Qu'est-ce que raconte Tao Tsai ? Ils sont harcelés depuis minuit. Le capitaine dit qu'on doit rejoindre le poste de toute urgence. Il pense aussi que les Viet ont déclenché leur grande offensive. Il a dit aussi que la colonne de secours pour détruire Fu a été sérieusement étriée et qu'elle reflue vers le sud. Le Pen débarque en Indochine en mai 1954. Mais il y a un problème. Il arrive après la bataille. Dien Bien Phu vient de tomber le 7 mai aux mains du Viet Minh. Or, c'est un tournant dans la guerre et le début de la fin pour l'armée française. Le Le Pen participe juste à de petites opérations de maintien de l'ordre. Pour l'ivresse des combats, le sang et les larmes, il faudra repasser. Le 21 juillet, les accords de Genève sont signés. C'est la fin de la sale guerre, selon l'expression du président du Conseil d'alors, Pierre Mendès France, qui n'a jamais cessé de le condamner. Au Palais des Nations, au cours d'une très sobre cérémonie, le général Delteille signait au nom de la France les documents mettant fin aux hostilités au Vietnam et au Laos, et au nom du Viet Minh, M. Thach Quang Vu les parapète à son tour. Cet accord, qui clôt sur un acte positif la conférence de Genève, est un éclatant succès personnel pour M. Mendès France. Certes, l'accord contraint la France à des sacrifices douloureux, mais pouvait-il l'être davantage que la perte des 92 000 combattants de l'Union française tombé dans cette guerre sans espoir. Ces accords, Jean-Marie Le Pen les juge absolument désastreux. Mais comme tout le monde, il doit regagner la France. Son passage par l'Indochine lui laisse un goût amer et cristallise sa rancœur contre la 4e République de Pierre Mendès France, qu'il accuse d'avoir dépecé et vendu l'Empire de France. À mon retour, j'avais une grande colère politique contre un régime qui s'était couché dans la boue et la défaite, dira-t-il 20 ans après. Le Pen a 27 ans, et cette colère, il faut en faire quelque chose. Autrement dit, se lancer en politique. Et sérieusement, cette fois. D'autant que des élections législatives approchent. Alors Jean-Marie Le Pen renoue avec les réseaux de droite et concocte d'abord, avec quelques compagnons de route, un projet de candidature indépendante. Mais en novembre 55, il est présenté à un homme dont toute la France parle. Le Pen en a entendu les échos jusqu'en Indochine. Il s'agit d'un certain Pierre Poujade. Deux ans auparavant, en 1953, cet homme avait pris la tête d'un mouvement d'ampleur nationale qui avait fait trembler la 4e République. Au début des années 50, la France se relève de ses ruines. Les derniers tickets de rationnement alimentaire sont supprimés. Oh, la vie est rude, mais le chômage presque inexistant. Et le pays est aspiré dans le mouvement ascensionnel des 30 Glorieuses. L'économie est en pleine mutation. Le problème, c'est que beaucoup de petits commerçants et de travailleurs indépendants ne s'y retrouvent pas. Non, ils se sentent abandonnés, laissés sur le bord de la route. Et en veulent surtout au fisc, devenu l'ennemi juré. Pas seulement à cause de la précarité du modèle économique de l'artisanat et du commerce, mais au-delà, ils vivent très mal l'intrusion de ce qu'ils appellent la Gestapo fiscale dans leur espace privé. Il faut dire aussi que les fonctionnaires sont souvent condescendants et prompts à les considérer comme des fraudeurs. Excédé, Pierre Poujade, papetier à s'insérer dans le Lot, Pierrot Forengueul, comme il est surnommé, déclenche une révolte. Avant de faire sa révolution sur les coins de table dans bistrot, dénonçant l'état vampire, la mainmise des grands groupes, l'humiliation des gros par les petits, fort de son succès, Poujade crée son mouvement l'UDCA, l'Union de défense des commerçants et des artisans. La langue bien pendue, l'indignation en bandoulière, Poujade attire les foules et remplit les salles de meeting, y compris à la capitale. Comme en juillet 1954, au Vélodrome d'hiver. Une évolution, je disais une éducation civique, s'est faite dans la couche sociale que j'ai l'honneur de représenter. Enfin, c'est le grand espoir de la France, ces gens, ces commerçants et ces artisans, ayant la réputation d'être des affreux grippe-sous, sont sortis de leur boutique pour défendre précisément ce tiroir-caisse, et une fois qu'ils ont été dans la rue, ils se sont aperçus que le tiroir-caisse, ce n'était qu'une partie du problème. Au terme d'un long processus de politisation, l'opposition de l'UDCA, l'État se radicalise. Anti-parlementarisme, anti-communisme, soutien à l'Algérie française, le mouvement fleure bon l'extrême droite. Surtout quand son leader se laisse aller à la xénophobie la plus décomplexée, en dénonçant par exemple l'armée de métèques parasites qui campe sur notre sol. Je le cite bien sûr. Avec l'arrivée de Pierre Mendès France au pouvoir en juin 1954, le poujadisme trouve dans l'antisémitisme une source quasi inépuisable d'inspiration. Poujade n'hésite pas à se livrer à des attaques ad hominem contre le président du Conseil, qui selon lui n'a de français que le mot ajouté à son nom. Pour ses adeptes, le poujadisme, c'est la vraie France, et tous les mots sont bons pour le dire, même les pires. La montée de ce courant ouvertement populiste s'inscrit dans un contexte de forte instabilité politique et de montée des violences en Algérie. Début 1955, l'Assemblée a cru bon de congédier le gouvernement Mendès France, qui incarnait pourtant le moment le plus moderne de la 4e République. Comme quoi, le système parlementaire est à bout de souffle. En France, en tout cas. Ailleurs, ce modèle démocratique se porte bien. Et là, comme souvent, les crises se soldent par des élections anticipées, comme en décide le président du Conseil, Edgar Faure. Et ce sera pour le 2 janvier 1956. Une opportunité pour le mouvement poujadiste. Mais son chef doit trouver des candidats, à l'arrache. Et si possible, autre chose que des crémiers, des mécanos et des marchands de saucissons. C'est alors qu'il croise la route du jeune Le Pen, tout auréolé de ses soi-disant exploits militaires et celle de son frère d'armes, Jean de Marquet. Il se souvient de son enthousiasme d'alors, au micro de France Culture, en 1990. Comme j'étais en relation avec les organisations d'anciens combattants d'Afrique, n'est-ce pas ? C'est que présidait Salan, rue de Naples, et le secrétaire général m'appelle un jour, il me dit « Tiens Pierre, en bon vieux, on a deux jeunes officiers qui nous arrivent d'Indochine, des types formidables. Ah ça, dis donc, toi qui cherches des candidats, il faudrait que tu les connaisses, etc. » Je fais la connaissance de Le Pen et de Marquet. Effectivement, ils étaient beaux, ils étaient intelligents, ils avaient une gueule terrible, ils me manifestaient des sentiments absolument fraternels, ils déclaraient être dévoués corps et âme. Le Pen, dans ses discours, n'est-ce pas, moi j'étais Jeanne d'Arc, j'étais du Guéclin, j'étais tout ce qu'on voudra, n'est-ce pas? Maintenant c'est lui, hein. La rencontre a lieu à la brasserie de Zimmer, à Paris. « Soyez le petit drapeau sur le tiroir-caisse », leur lance Pierre Poujade. Le Pen est tenté. Pour lui, c'est une occasion inespérée d'entrer en politique, et par la grande porte, s'il vous plaît. Bien, mais il veut savoir à qui il a vraiment affaire. Alors, il accompagne le papetier à un meeting à Blois. 3000 poujadistes dans la salle, 3000 notaires, pharmaciens ou petits entrepreneurs, braqués, cabrés contre l'État qui les rackette. Ils en sont persuadés. Tout comme les artisans et les paysans qui sont là, eux aussi, et qui disent « ras-le-bol de la chienlit à la tête de l'État, ras-le-bol de la Gestapo fiscale qui nous persécute, la France n'est plus la France », hurle-t-il. Le Pen est dans son élément, il est emballé, parce que c'est autre chose que le quartier latin et ses étudiants droitiers, certes sympathiques, mais tout juste bons à tabasser les vendeurs de l'humanité. La semaine suivante, Poujade l'embarque dans un nouveau meeting sur cette terre bretonne, à Rennes cette fois. Et c'est lui qui monte à la tribune devant 15 000 personnes. Il adore ça. Combattre, haranguer, faire vibrer les foules. Marché conclu. Le Pen se présente dans le premier secteur du département de la Seine, qui réunit les 6 arrondissements de la rive gauche de Paris, là où sa notoriété locale dans les milieux étudiants du quartier latin pourrait servir. Et il est si bon orateur que Pierre Poujade l'envoie ferrailler aux quatre coins de la France. Les deux hommes se complètent. Le Pen apporte au duo sa jeunesse, son culot et sa vision plus politique des choses. Le 30 décembre 1955, il appelle solennellement la jeunesse française aux urnes. Le slogan de campagne est aussi simpliste qu'efficace. Sortez les sortants. Françaises et Françaises de moins de 30 ans, depuis 10 ans vous vous taisez. Les vieux bonzes de la politique qui ces derniers jours lançaient des appels larmoyants à la jeunesse de France feignent hypocritement de regretter son silence. Ils font semblant de déplorer la désaffection des jeunes en face de la chose publique. Au fond d'eux-mêmes, ils s'en réjouissent. Ils font passer votre silence pour une approbation tacite de leurs crimes. Le mouvement Poujade a voulu précisément que je prenne à 27 ans la tête de sa liste dans le premier secteur de la Seine. Et par ma bouche, il vous dit... Par l'union, nous pouvons chasser tous les dirigeants corrompus et incapables. Dans la fraternité... Nous reconstruirons ensemble une France libre, forte et jeune. Fraternellement unis, votez tous, Français, le 2 janvier pour les listes présentées par le mouvement Poujade. Le mode de scrutin en vigueur à la fin de la 4e République, la proportionnelle intégrale à l'échelle du département, permet aux poujadistes d'espérer des élus. Inquiets, les partis de la gauche, dont la SFIO, l'UDSR de François Mitterrand et les Républicains sociaux de Jacques Chaban-Delmas, leur opposent le premier front républicain de l'histoire. La formule « front républicain » a été trouvée par le journaliste Jean-Jacques Servan-Schreiber, fondateur de l'Express. Conduit par Mendès France, ce front défend un programme réformiste en matière sociale, institutionnelle et coloniale. Et le danger poujadiste est très largement sous-estimé. Aucun journal... Aucun observateur sérieux, aucun rapport du ministère de l'Intérieur ne permet de soupçonner l'ampleur de la vague à venir. D'après les renseignements généraux, la formation pourrait récolter 3 à 6 sièges, tout au plus. La France a voté. Toute la journée du 2 janvier, dans tous les bureaux de vote, les électeurs ont défilé en nombre, marquant ainsi une nette régression du nombre des abstentions. Et toute la nuit, au ministère de l'Intérieur, les reporters ont suivi en bons élèves les résultats qui s'inscrivaient au tableau de l'écran et qui peuvent se traduire ainsi. Gain des communistes qui pourtant perdent des voix, net recul des républicains sociaux, forte poussée du mouvement Poujade. Et l'on attend l'Assemblée. Le surgissement des poujadistes sous l'étiquette UFF, Union et Fraternité Française, est brutal. Ils obtiennent 11,4% des suffrages et 52 sièges. L'un d'eux est réservé à celui qui devient le plus jeune député de France, ça sonne bien, et c'est pour Jean-Marie Le Pen. Oui, sauf que le vrai Benjamin du Palais Bourbon, c'est André Chêne, député communiste de 6 mois, le cadet de Le Pen. Mais peu importe, ce dernier va très vite prendre l'ascendant sur le groupe parlementaire poujadiste. Moi, j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins portant le soleil. Ils ont demandé d'une voix tranquille un toit pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air attendri la chambre d'hôtel au papier jauni. Et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait un soleil au fond de leurs yeux. Que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi je suis l'hiver au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, c'est corps contre corps qu'on les a trouvés. On les a trouvés, se tenant par la main, les yeux refermés vers d'autres matins. Remplis de soleil, on les a couchés, unis et tranquilles dans un lit creusé au cœur de la ville. Et je me rappelle avoir refermé dans le petit jour la chambre d'hôtel des amants d'un jour. Mais ils m'ont planté tout au fond du cœur un bout de leur soleil. Ça me fait mal, que ça me fait mal. Moi je suis l'hiver au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il y a toujours dehors la chambre à louer. France Inter, Affaires sensibles. Les Poujadistes ont réussi leur coup. Ça y est, ils ont investi en nombre le Palais Bourbon. Et les voilà partie prenante de cette 4e République qu'ils abordent. Et ils débarquent bien décidés à secouer le cocotier de l'Assemblée, comme leur a demandé Pierre Poujade. Mais mis à part leur vocifération, qu'ont-ils à apporter au débat? Eh bien rien, ou si peu. Très vite, la pauvreté intellectuelle du poujadisme se fait jour. À peine passées les élections, le mouvement amorce son déclin. Rarement dans l'histoire politique, un groupe parlementaire d'une cinquantaine de députés aura laissé si peu de traces. Les poujadistes ne font absolument pas le poids. En 1956, Jean-Marie de Mellac résume dans la revue Esprit l'indigence intellectuelle et politique du mouvement. Il écrit « Le poujadisme est une formule autoritaire pour classe moyenne ». Ces classes moyennes, dont Auguste Comte écrivait il y a plus d'un siècle qu'elles faisaient le malheur de la France et qui n'ont cessé de le faire par leur malthusianisme, leur chauvinisme, leur fermeture à tous les courants de la vie moderne. Petit fascisme pour petit français. Le Pen, lui, est au-dessus du lot. En mars 56 vient le temps de grands débats. Le président du Conseil, Guy Mollet, celui-là même qui appelait à mettre fin à la guerre d'Algérie, cette guerre imbécile et sans issue, disait-il, demande leur attention aux parlementaires. Il veut confier les pleins pouvoirs à l'armée française. Après un voyage catastrophique à Alger, au cours duquel il a été reçu par les défenseurs de l'Algérie française avec une pluie de tomates, il opte pour la répression. Pour les ultra-droitiers de l'Assemblée, il faut mater l'insurrection, à un point c'est tout. Le 9 mars, Le Pen intervient violemment contre le gouvernement qu'il accuse de mollesse. Des exécutions de condamnés dans les prisons algériennes, une offensive de l'armée, le contrôle de la presse, voilà ce qui était attendu du gouvernement. L'a-t-il fait? Non. Le 12 mars, les pouvoirs spéciaux sont accordés à Robert Lacoste, ministre résident et gouverneur général de l'Algérie, qui se félicite alors de ce basculement. C'est un vote hautement significatif, parce que il montre, il traduit la détermination de la nation de travailler au règlement des problèmes algériens par tous les moyens. Quels moyens ? Eh bien, des moyens de force et des moyens légaux, d'abord, pour résister à l'attaque forcenée dont nous sommes l'objet, pour sauvegarder les vies humaines, et aussi pour maintenir l'ordre, l'ordre sans lequel il n'y aura ni réconciliation, ni pacification. C'est un véritable cadre légal pour la torture et les exécutions sommaires. À l'issue des débats, le député Le Pen a gagné ses galons de grand orateur. Mais avec Pierre Poujade, le torchon brûle. Le Pen, plus médiatique, est devenu une sorte de leader concurrent au sein du mouvement. Poujade se sent écrasé par le charisme, la culture politique et l'intuition tactique de son poulain. Bref, il est jaloux comme un pou. Il est surtout apeuré par sa radicalité. Poujade refuse obstinément d'être classé à l'extrême droite. Il veut cantonner son mouvement à un rôle purement contestataire. Il ne veut pas que ses députés prennent part au débat parlementaire. Le but est de profiter du chaos, pas d'y remédier. Poujade ne sait pas transformer l'essai de la victoire électorale et se heurte aux ardeurs de son jeune lieutenant qui, lui, dans l'ivresse de la vague poujadiste, échafaude de grands projets politiques. Il rêve déjà de construire le parti, le vrai parti de la droite nationale. Le député qui avait beaucoup misé sur Poujade est déçu par sa modération. À l'été 56, le Parlement envoie le contingent en Algérie où sont déjà déployés 140 000 hommes. Après avoir voté les pleins pouvoirs en Algérie et l'envoi de renforts avec l'Assemblée nationale, Le Pen décide d'aller rejoindre lui-même les troupes françaises. Peut-il prendre ses responsabilités d'élu et mettre ses actes en conformité avec ses convictions ? Certainement. Choix qu'il justifiera en 1974. C'est le moment où M. Guy Mollet, M. Mitran et M. Mendès-France ont envoyé le contingent en Algérie pour faire la guerre. J'ai estimé qu'il était de mon devoir de parlementaire, capable de porter les armes, d'y aller avec le contingent, puisque, dans le fond, j'étais d'accord pour préserver cette partie de la France et l'indépendance énergétique et politique de ce grand ensemble du Sahara. Je me suis battu dans la fidélité des engagements de la France, d'abord aux Français qui étaient là-bas, et ensuite à tous ces Algériens à qui nous avions juré par la voix des plus éminents de nos chefs qu'ils resteraient Français à tout jamais. Jean-Marie Le Pen semble être fatigué des bisbilles avec son mentor. Et son copain de l'Indochine, député poujadiste Jean-Maurice de Marquet, veut lui emboîter le pas. Possible aussi que tous deux soient nostalgiques de la vie militaire et frustrés d'être passés à côté de leur guerre en Indochine. Et puis, leur popularité au sein de l'UDCA ne doit-elle pas beaucoup à leur image de para et de baroudeur patriote? En octobre 56, l'Assemblée autorise les deux députés à partir 6 mois combattre en Algérie. Quelles que soient les raisons du départ de Jean-Marie Le Pen, Poujade ne le retient pas. Au contraire, bon débarras. J'étais bien content qu'il foute le camp, confiera-t-il ensuite. La rupture est consommée. Arrivé de l'autre côté de la Méditerranée, c'est d'abord la belle vie pour Jean-Marie Le Pen entre camps scouts, ripailles et champs guerriers. Un Le Pen qui épate et amuse toujours autant la galerie. Mais ça ne dure pas. Le canal de Suez, la route internationale de l'Orient ouverte par Ferdinand de Lesseps, a pris soudain la vedette internationale. Nasser a prononcé la nationalisation du canal par une décision unilatérale au mépris de tout droit et de toute légalité. Par ce coup de force qui en rappelle d'autres, Nasser cherche-t-il une issue au dessein des dictateurs ? En tout cas, un conflit éclate entre l'Égypte et une alliance secrète formée par la France, le Royaume-Uni et Israël, tous trois ayant des intérêts stratégiques, économiques et commerciaux dans le canal de Suez. Alors un mois à peine après son arrivée en Algérie, direction l'Égypte pour Le Pen. Mais pour l'adrénaline et les exploits militaires, c'est encore raté. Arrivé dans la ville de Port Fouad, son régiment ne rencontre pas la moindre résistance. Et pour cause, tous les soldats égyptiens qu'il croise sur son chemin sont déjà morts. Mais dès le lendemain de l'ordre donné par le général Massu de mettre fin à la campagne d'attentat lancée par le FLN, il participe à la bataille d'Alger. Le 8 janvier 1957, le député et officier de renseignement Jean-Marie Le Pen débarque à Alger avec le 1er régiment étranger parachutiste, régiment de la Légion étrangère au sein duquel il a rempilé. C'est l'une des quatre unités en pointe pour démanteler les réseaux terroristes de la ville blanche. D'Alger, où il passera 3 mois, il rapporte une décoration du général Massu et de persistantes accusations de torture, entretenues par ses propres déclarations ambiguës sur le sujet. En 2002, année de l'apogée de sa carrière politique, elles feront encore les gros titres du journal de France 2. Habitants de la Casbah, la rébellion s'affaiblit de jour en jour. Population d'Alger, dénoncez des agitateurs, désolidarisez-vous de l'organisation rebelle. C'était en février 57 dans la Casbah d'Alger. L'armée française fouille chaque maison à la recherche d'armes et de militants indépendantistes du FLN. Dans la nuit du 2 au 3, le lieutenant Le Pen est là. 4 témoins racontent aujourd'hui leur torture, comme Abdelkader Amour. Après avoir été électrocutés, ils ont alors pris l'eau sale des toilettes, racontent-ils. Ils m'ont étalé une serpillière sur le visage et me l'ont fait avaler de force. Le Pen était assis sur moi, il tenait le chiffon pendant qu'un autre versait la flotte. Je l'entends encore qui criait « Vas-y, vas-y, t'arrêtes pas !» 65 ans après la bataille d'Alger, il est difficile d'être catégorique sur les agissements de Jean-Marie Le Pen à cette époque. Toujours est-il qu'à son retour à Paris, il retrouve son fauteuil de député. Tête haute et main propre, comme il dit. Exclu du mouvement de Pierre Poujade, il est désormais enregistré comme non inscrit. Et il a tout fait de créer le FNC, Front National des Combattants, toujours dans l'objectif de garder l'Algérie dans le giron de la France. Ce front-là fera long feu. Jean-Marie Le Pen est ensuite réélu au Parlement en 58, cette fois sous l'étiquette des indépendants, puis battu en 62. Pour l'ambitieux commence alors une traversée du désert politique interrompue tout de même par la présidentielle de 65, la candidature de Jean-Louis Tixier-Vignancourt, pétainiste historique et avocat d'extrême droite. Eh bien, tout cela lui semble une tentative digne de ses compétences. Il sera donc le secrétaire général du comité de TV pour Tixier-Vignancourt et organisera au cours de l'été 1965 une caravane Tixier sur les plages de France. Mais c'est au cours des années 70 qu'il tente de percer sous ses couleurs. Après le terrorisme des années OAS, l'extrême droite, encore une fois, cherche à se racheter une respectabilité. Elle ne représente plus rien sur le plan électoral, se retrouve éclatée entre mille chapelles, catholiques intégristes, nostalgiques de Vichy ou de l'Algérie française, nationalistes, identitaires. Les anciens étudiants néofascistes d'ordre nouveau ont particulièrement le sentiment d'être dans l'impasse. Alors une idée germe dans leur rang. Monter une vitrine électorale, créer un front uni, un parti normal et légal dans la perspective des législatives de 1973. Bien. Mais qui pour incarner ce nouveau mouvement? François Brignaud, journaliste et militant d'extrême droite, lance alors un nom, Le Pen. Personne n'a oublié son côté chef de bande, son charisme, ses talents d'orateur et son carnet d'adresses. Ordre Nouveau le décrit à l'époque comme une personnalité de premier plan, non seulement par son passé militant et combattant, mais par le fait d'avoir été député à 2 reprises. C'est ainsi qu'en 1972, Jean-Marie Le Pen prend la coprésidence du tout nouveau Front National. Les courants que vous voulez regrouper se sont souvent méfiés de l'électoralisme. Pourquoi aujourd'hui cette entrée en lice pour les prochaines élections? Je crois que tout le monde ne peut que se féliciter que des courants qui ont été méfiants à l'égard des élections entrent aujourd'hui dans la bataille électorale. Je pense que peut-être les expériences du passé récent ont enlevé à beaucoup certaines illusions et que par conséquent ils admettent dans cette espèce de grand front qui a aussi une aile droite, un centre et une aile gauche, les gens qui avaient peut-être des tentations non-électoralistes admettent maintenant que la bataille politique se déroule réellement à l'échelon électoral et avec les méthodes démocratiques. Vos affiches, par leur graphisme, par leur slogan, ressemblent à celles du MSI des néofascistes italiens. Que faut-il en déduire? Je crois qu'il ne faut pas tirer de conclusion de ces graphismes identiques. Nous avons utilisé cette flamme tricolore parce qu'elle nous paraît la plus jolie qu'il y avait sur le marché graphique, si vous voulez. Le petit miracle politique qu'on attendait de lui, Le Pen va le réaliser. à l'inverse de tous ses prédécesseurs. Du général Boulanger à Jean-Louis Tixier-Vignancourt, il parviendra à unifier la quasi-totalité de la droite nationaliste française avec la longévité qu'on lui connaît. Troisième épisode de notre série sur l'extrême droite dans Affaires Sensibles. Aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen au passé simple, dont nous allons parler avec notre invitée, Jenny Raflick. Bonjour. Bonjour. On dit Jenny ou Jenny ? Jenny. Comment vous avez dit ? J'ai pas entendu. Jenny. Ok. Professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Nantes et autrice du livre intitulé « La République moderne au point » en 2018. Selon vous, le poujadisme qui a porté Jean-Marie Le Pen au tout début de sa carrière politique, était-il un mouvement classable à l'extrême droite ou les choses sur ce point sont-elles à nuancer ? Alors, le mouvement évolue, d'abord parce qu'il se teinte de tout ce qui va sourcer les revendications de ce mouvement. Et il puise à des sources qui sont assez variables, qui sont assez courantes dans l'histoire de France. On va trouver évidemment tout ce qui est révolte fiscale, hein, assez traditionnelle depuis plusieurs siècles. Il y a une forte teinte d'anti-parlementarisme qui renvoie aussi à l'héritage de la Troisième République et qui là va s'ancrer assez fortement dans la droite, et puis il se teinte très fortement d'antisémitisme, à la fois dans l'opposition à Pierre Mendès France, hein, vous l'avez dit, une opposition très violente avec des discours qui sont très très très violents, très durs à l'égard de Pierre Mendès France, mais aussi à l'égard des Juifs dans leur ensemble, parce que ça reprend le stéréotype du juif banquier, propriétaire des grands magasins, bref, de l'ennemi de classe. Mmh. Et donc, la sociologie et le classement politique va suivre un petit peu toutes ces teintes. On a des petits artisans, des petits commerçants, qui n'ont pas forcément un ancrage, une teinte politique claire, qui sont juste dans cette révolte fiscale, ils se sentent lésés et ils ont envie de s'exprimer. Mmh. Et puis on a des cadres qui vont de plus en plus se radicaliser, qui eux vont progressivement conduire le mouvement vers l'extrême droite. Ah, mais au moment où le mouvement est clos, il n'y a pas une vision politique globale, une vision de société, des valeurs, une vision géopolitique, enfin tout ce qui fait un corpus politique, ils ne l'ont pas au départ, c'est des intérêts catégoriels. Voilà, c'est un mouvement qui se base, qui est contre. Base dans des revendications, il veut sortir les sortants, il est contre. Mais effectivement, il peine à définir un programme politique. Ils sont contre la modernisation, mais ils ne savent pas exactement ce qui pourrait pallier à ces difficultés. Bien. Que représente l'OAS dans cet écosystème ultra-droitier des années 50-60 ? Et pour les poujadistes, d'abord, peut-être au-delà des poujadistes, ensuite. Alors, l'OAS et le poujadisme sont très différents. D'abord, chronologiquement, ils vont pas vraiment se recouper. En revanche, on va retrouver d'anciens poujadistes dans l'OAS, et puis on va trouver, alors avec des figures, comme on a cité Le Pen, bien sûr, et Tixé-Vignancourt, on va trouver des gens qui font le trait d'union sans véritablement se compromettre dans l'OAS. Le Pen et Tixé-Vignancourt sont proches, on va trouver des membres de l'OAS parmi les fondateurs du Front National. Tixé-Vignancourt est avocat de Salan. Hein. Ils sont proches d'anciens de l'OAS, mais ils agissent de façon assez maligne pour rester, eux, dans la légalité, notamment quand l'OAS est poursuivi pour autre raison lors des grands procès qui suivent les putschs des généraux. Et puis ensuite, le procès Bastien Thiry, où Tixé-Vignancourt est encore avocat pendant ce procès, Bastien Thiry, qui est l'attentat du petit Clamart. L'attentat du petit Clamart contre De Gaulle, voilà. Y avait-il chez les poujadistes et leurs électeurs un sentiment de déclassement comme celui que révèlent les gilets jaunes d'aujourd'hui? Alors, indéniablement, c'est ça qui va être le point de départ du mouvement, dès 1953, autour de Poujade. Non seulement un sentiment de déclassement, mais l'impression, finalement, que le nouveau monde n'a plus de place pour eux. On entre en plein dans la société de consommation, hein, c'est l'apparition des grands magasins, et tous ces petits commerçants, ces petits artisans ont l'impression que ce monde va les conduire à disparaître. Ce qui n'est pas totalement faux, parce que, de fait, une grande partie va disparaître hein, du fait de l'entrée dans la société de consommation. Mais ils ont ce sentiment, finalement, que ce nouveau monde est un danger pour eux et ne va pas leur permettre de poursuivre leurs activités professionnelles. En cela, on est vraiment dans une forme de révolte sociale. Ce qui explique d'ailleurs, parce qu'on parlait de la teinte politique du poujadisme, qu'au tout départ, en 1953, certains députés communistes soutiennent le mouvement. Ils vont rompre très vite. Hein, à partir de 1955, le Parti communiste dénonce le poujadisme comme un mouvement fasciste. Mais au départ, certains vont trouver effectivement dans ce mouvement populaire quelque chose qui mérite d'être défendu. Alors, il y a un autre élément qui est important, qui est très spécifique du poujadisme, même si on l'a retrouvé ailleurs et plus tard, c'est une sorte de non-consentement à l'impôt. Et oui. Ça, c'est très important. Alors, pour le poujadisme, c'est vraiment le point de départ, hein, puisque tout naît d'un contrôle fiscal. Et les premières manifestations, les premiers mouvements, les premiers discours naissent de ces contrôles fiscaux, de l'attitude sans doute aussi, pour le coup, des fonctionnaires du fisc, hein, qui sont assez durs et qui voient ces commerçants comme des fraudeurs et qui vont les traiter systématiquement comme tels. Faut préciser que la Direction Générale des impôts est créé en 1948. C'est le début des contrôles et par conséquent, c'est aussi c'est vécu comme un choc. Par définition, il n'y a pas de contrôle avant. Et puis soudain, il se multiplie. Et puis la France sort du rationnement, sort des privations de la guerre. Hein. On a subi très très longtemps ces éléments sur l'économie française. C'est seulement 1949, la fin du rationnement. Donc on commence seulement à se reconstruire et il y a ce fisc qui va s'abattre comme un contrôle étatique. Et donc, on a cette revendication vraiment fiscale qui est au cœur de ce mouvement. Ne quittez surtout pas, Jenny Raflick. On se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Black Keys, Wild Child. You Denis Raflic, nous venons de parler du poujadisme, on va parler de l'extrême droite un peu plus largement, avec un autre rendez-vous important, c'est en 1965 pour la campagne électorale de la présidentielle. Un certain Tixier Vignancourt se présente au nom de ces idées-là, grosso modo, et il fait un score honorable, il fait 5,27%. Qui est cette personne, à quelle aspiration correspond-il à l'époque? Alors d'abord, Tixier Vignancourt, c'est vraiment Jean-Marie Le Pen qui va faire cette candidature. Il est au point de départ, hein. C'est lui qui va le chercher, c'est lui qui arrive à l'imposer comme candidat avec l'idée qu'il va pouvoir faire cette union justement de la droite nationale, de l'extrême droite, parce que Tixier Vignancourt, dans son CV, a finalement tout ce qui va rassembler ces divers mouvements d'extrême droite. On vient de citer le Poujadisme, on vient de citer l'OAS, tous ces mouvements sont assez différents. Et Tixier Vignancourt, il va faire le point commun entre tous. Alors, d'abord, il a derrière lui une vieille expérience. Il a commencé comme camelot du roi pour l'Action française. Il a participé le 6 février 34. Hein, il a combattu dans la rue au moment de la tentative du coup d'État. Il a été militant auprès de Jacques Doriot et il a été élu député en 40. Il fait partie de ceux qui vont signer et voter les pleins pouvoirs à Pétain. On le retrouve à Vichy, mais on le retrouve à Vichy assez peu de temps, en fait. Alors, il est écarté de Vichy, vraisemblablement pour des incartades personnelles. Il semble qu'il ait fait courir des bruits sur la maréchale Pétain. Ça lui permet de rester finalement un peu respectable à la fin de la guerre. Il écope d'une inéligibilité, mais pas de condamnation honteuse. Et puis, on va le retrouver donc dans le poujadisme. Il est élu en 1956. On le retrouve avocat des chefs de l'Algérie française, de l'OAS, avocat de Salan, avocat de Bastien Théry. Et donc, il va faire le lien entre tous ces mouvements, toutes ces composantes de l'extrême droite française. Et il va, en 65, réussir par le biais de cette campagne qui est quand même assez extraordinaire, hein, où vraiment... Le Pen orchestre ça sur les plages, façon caravane du Tour de France, pour faire campagne. Et il parvient à rassembler 5% des voix et il se désiste au second tour pour François Mitterrand. Mmh. Voilà, ce qui marque aussi le côté très très particulier de ce personnage et les incohérences de son Oui, politique. difficile à suivre, effectivement. Alors, avant l'arrivée de Jean-Marie Le Pen sur la scène politique de la 5e République en 74 pour la présidentielle et après le poujadisme de la 4e, il y a un autre mouvement qui n'a pas marqué énormément, on va pas y passer beaucoup de temps, mais faut le signaler quand même, le Sidunati de Philippe Nicou, défense des commerçants et artisans. Est-ce que ce mouvement est dans la lignée du poujadisme? Alors, il est un peu plus dans la lignée du poujadisme, effectivement. Et puis finalement, un peu comme le poujadisme, il va être assez temporaire dans son impact. Sauf qu'il n'a pas laissé, d'abord, de poujade, il nous reste cette expression, le poujadisme. Et c'est assez rare, les hommes politiques qui ont laissé finalement leur nom à un courant. Oui. Ce qui ne sera pas le cas de ce deuxième courant. Oui, il n'y a pas de nicoudisme. Voilà. Alors, 1974, on n'en a pas beaucoup parlé dans le récit. Je pense qu'on y reviendra dans notre prochain épisode sur l'histoire de l'extrême droite en France, à partir du 25 avril, même le 25 avril. Mais juste un mot quand même, c'est un moment important, 1974. Le candidat Le Pen, que beaucoup ne connaissaient pas, hein, s'inscrit dans une mouvance plus vaste que la défense d'intérêts catégoriels. Il met en avant une certaine idée de... La France, de sa France, nationaliste, repliée sur elle-même, peur de l'étranger, un rapport à l'altérité qui est différent de celui de tous les autres partis politiques en France. Il fera un score minable, hein, 0,75%. Il se présente avec un bandeau sur l'œil, il a l'air assez inquiétant. Comment est perçu le personnage à l'époque et son discours? Alors, en fait, je vais revenir justement à 65. Parce que je pense que 74, il a tiré les leçons de l'échec de Tixier Vignancourt. C'est-à-dire que Tixier Vignancourt, finalement, essayait de parler à tout le monde, à toutes ses droites, et en essayant de parler à toutes ses droites, ne parlait plus à personne. En définitive, il y avait des contradictions importantes. Donc, Le Pen fait un choix. Il va parler à une de ses droites, il va choisir une ligne de discours qui est plus précise. Sans doute ne le fait-il pas dans l'idée de réussir en 74, mais le fait-il avec l'idée que sur le long terme, ça va porter. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Effectivement, il va construire petit à petit son discours et cette orientation. Et puis, il va aussi mettre en scène, notamment ce bandeau sur l'œil dont on vient de parler. Il y a deux histoires, il y a deux variantes. Dans une variante, ce serait en Algérie, en défendant un Algérien dans une bagarre. Et puis, très vraisemblablement, la véritable histoire, c'est que justement, pendant la campagne de 65, il a un accident en montant une tente pour un meeting de Tixé-Vignancourt et qu'il y a un décollement de rétine à ce moment-là, ce qui est évidemment une histoire un peu moins glorieuse. Voilà, ça fait un peu moins fort comme histoire. Mais on voit finalement qu'il commence à se construire en 74 cette image dans un processus qui va être assez permanent ensuite. Oui, parce que ce qui change à partir de ce moment-là, enfin, il faut quand même encore une maturation d'une bonne dizaine d'années, mais ce qui change au sein de l'extrême droite, c'est la volonté de se présenter aux élections pour être élu, être aux affaires, plus seulement critiquer, sortir du champ protestataire. Est-ce que du temps de Jean-Marie Le Pen dans les années 70, c'est le cas ou pas ? Alors, au départ, il a du mal, mais son idée, c'est aussi de se présenter comme l'homme providentiel. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans la généalogie de l'extrême droite. Justement, on a parlé du poujadisme, on a parlé du boulangisme. Donc il va essayer de se construire cette figure d'homme providentiel. Et pour ça, c'est un discours et un mouvement de long terme, une construction sur plusieurs années qu'il entreprend à ce moment-là, mais qu'il va poursuivre avec toujours le même discours, toujours la même ligne, ensuite patiemment, élection après élection, de façon à engranger et de façon à arriver à 2002. Alors, depuis quelques années maintenant, donc là on fait un grand saut après 2002, le Rassemblement National, puisque tel est le nom de l'ancien Front National, a opté pour une stratégie de dédiabolisation, alors que dans le même temps, un autre candidat de l'extrême droite, là, cette année, défend, lui, la ligne radicale de ce courant de pensée. L'extrême droite est-elle condamnée à balancer éternellement entre deux stratégies pour enfin définir la stratégie qui éventuellement pourrait lui donner le pouvoir ? Alors, il y a deux stratégies, mais il y a justement cette figure de l'homme ou de la femme providentielle dans l'extrême droite, du chef, la figure du chef, du leader, qui amène des querelles de personnes et va diviser systématiquement autour de cette question. Qui va représenter, qui va incarner, qui va être le chef légitime À plusieurs reprises, on le voit dans l'histoire, les divisions de l'extrême droite viennent de ces querelles de personnes, de ces querelles de chefs, au proprement parler. Juste un petit mot sur ce nom Rassemblement National, on revient aussi à l'histoire, puisque c'est le nom du parti créé par Tixé-Vignancourt en 1955. Mmh, mmh. Dernière question, alors le culte du chef, notamment la force majoritaire, finalement cette mouvance d'extrême droite s'accommode assez bien des institutions de la Ve République. Alors, ils ont su récupérer les institutions de la Ve République, et d'ailleurs, c'est l'évolution de cette stratégie, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'une opposition au régime à une utilisation de ces institutions, et y compris dans les revendications, la revendication de la proportionnelle, par exemple, de réforme électorale, de façon à gagner oui, il y a ça, bien sûr. Et à progresser par la voie légale. Okay. Très bien, merci infiniment Eugénie Raflick. L'heure de notre entretien, la fin de l'heure de notre entretien arrive. Merci. Merci, au revoir. Excusez-moi. Cette affaire sensible aujourd'hui, l'extrême droite, l'histoire de l'extrême droite en France, l'élection de Jean-Marie Le Pen en 1956. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Gilles Gaillard.